La revêche à Rabel, par J.H. Rony aîné. Une fois par an, raconta Jean Fosse, nous allions voir tante à Rabel. C'était une dame quinquagénaire au nez pointu, aux yeux durs, encore jolie, qui ne me plaisait point du tout et nous faisait un accueil réfrigérant. Sans fortune, elle avait déclenché l'amour d'un multimillionnaire qui en fit sa femme. Ce mariage fut éphémère. Le multimillionnaire tripassa, et ma tante encaissa la moitié des millions du défunt. Elle vivait moult luxueusement, et son opulence la rendait aussi fière que si elle avait été une archiduchesse ou une star d'Hollywood. La famille, qui était nombreuse, la flattait outrageusement. C'était le seul moyen de lui plaire. Elle méprisait et fuyait les pauvres. Mon père, qui luttait péniblement pour gagner notre pitance, était traité par sa tante avec un tel dédain que nous n'allions la voir qu'une fois l'an par devoir. Elle nous accueillait avec une politesse glaciale, me donnait un billet de banque, nous adressait quelques questions insignifiantes ou acerbes, si bien que nous ne nous attardions pas. « Elle nous déshéritera, » disait ma mère avec mélancolie. « Je me fiche de son argent, » disait mon père, « et je me trouverai heureux, comme je suis, si je ne m'inquiétais pas pour toi et le petit. » Les plus bêtes, comme les plus intelligents des hommes, savent que la vie a d'étranges détours. Je n'avais pas encore 8 ans quand j'en fis la première expérience. Un jour que la tante Rabel revenait d'un enterrement, elle eut, lorsque son auto passa devant la maison, par fantaisie ou par curiosité, l'idée de nous faire visite. Mon père et ma mère étaient absents, lui à son bureau, elle chez le boulanger ou le boucher. Il n'y avait dans l'appartement que moi et la femme de ménage. La tante Arabelle apparut tout habillée de noir, me regarda avec indifférence et demanda « Tu es seul, petit ?» Je répondis très froidement « Avec la femme de ménage. » Cet accueil parut la surprendre. Elle reprit « Ma visite ne te plaît pas ?»« Pas beaucoup. » « Pourquoi ?»« Parce que vous êtes mauvaise. » « Mauvaise ? » cria-t-elle suffoquée. « Ah, par exemple ?» « Et pourquoi crois-tu que je suis mauvaise ? Vous ne recevez mal, parce que vous méprisez les pauvres. » Je ne sais quel diable me poussait. J'étais excité, plein de malveillance, et je m'écriais, en la regardant dans les yeux, « Mon papa se moque de votre argent, et moi aussi. » Elle avait légèrement pâli. Ses yeux étaient moins durs, et elle respirait bruyamment. Les choses en étaient là, lorsque maman rentra avec ses provisions. La vue de ma tante la stupéfia. Toutefois, elle ne se troubla point et échangea quelques paroles insignifiantes avec la visiteuse qui ne tarda pas à se retirer. Maman ne m'interrogea guère, mais papa me posa des questions auxquelles je ne sus répondre qu'en disant la vérité. Je dois dire que j'étais un petit bonhomme très franc, incapable de dissimulation. Maman, consternée, poussa les hauts cris. « Maintenant, nous n'aurons pas un liard !» s'exclama-t-elle. « Bon !» dit mon père, qui avait plutôt envie de rire. « Ça ne changera pas grand-chose aux événements. » Elle avait sûrement déjà l'intention de nous exiler de son testament. À notre visite de Nouvel An, la tante fit le même accueil froid à mes parents, mais elle me combla de joie et de friandises qu'elle avait pris la peine de choisir pour moi. Il y avait entre autres un chemin de fer électrique qui a fait mes délices pendant toute une année. Les relations entre ma tante et mes parents restèrent fraîches. Le caractère de papa et d'Arabelle ne crochait pas. Avec moi, au contraire, elle devenait de plus en plus aimable. Mon père aurait pu exploiter la situation, recevoir quelques subsides pour améliorer notre petit train de vie, mais son ombrageuse fierté s'y opposait. C'était, selon l'expression biblique, un homme au cou raide. Quant à moi, j'avais fini par vouer une certaine affection à la tante. Je bavardais librement avec elle, et elle prenait plaisir à ma franchise. D'autre part, notre sort s'améliorait. Mon père avait consacré son minuscule capital à une entreprise qui prenait bonne tournure. Malheureusement, certaines années, il y eut de gros mécomptes. Un trou se creusa dans l'affaire, et mon père fut sur le point de liquider son affaire. Il se croyait perdu. Il ne dormit plus. Le papier timbré s'accumulait sur son bureau et il attendait le dénouement comme le condamné attend le bourreau. Or, il advint d'une façon imprévue si imprévu qu'il ne se l'expliquait pas, qu'il fit la connaissance d'un quidam qui, sous prétexte d'achat, arriva de fil en aiguille à s'intéresser à l'affaire et à proposer une commandite. Ne me demandez pas comment il le fit, je n'en sais absolument rien, et quant à mon père, il est assez dépourvu de psychologie pour se laisser facilement tirer les vers du nez. Cependant, l'affaire, remise en route par l'argent frais, redevint prospère, et les conseils du commanditaire, quoiqu'il se montrât rarement, y aidèrent puissamment. Mon père, bon négociant, s'en attribuait tout le mérite. Mais ma mère restait surprise de cette intervention providentielle. Moi, pas. J'avais assez vite deviné que quelqu'un était indirectement intervenu. Cependant, contre mon habitude, je gardais assez longtemps le silence. Mais un jour, que j'étais seul avec la tante Arabelle, n'y tenant plus, je dis brusquement « Je vous remercie, tante. Vous avez été très chic. » Elle sursauta, fixa sur moi des yeux effarés et exclama « Qu'est-ce que tu dis, petit homme? Que vous avez été chic. Et pourquoi dis-tu cela? Parce que je sais bien que c'est vous qui avez envoyé le monsieur commanditaire. » « Cet enfant est le diable !» cria ma tante. Elle m'embrassa une demi-douzaine de fois sur les deux joues et repartit. « Écoute bien. Par amour pour ton père et ta mère, promets-moi de n'en rien dire. Ça gâterait tout et ça m'ennuierait très fort. Tu promets ?»« Je promis. » Et depuis jamais cette créature revêche, qui gardait son mauvais caractère envers tous, moi seul excepté. Je l'aimais, dis-je, presque autant que ma mère et mon père. Le reste de mon histoire, conclut Jean Fosse, est quelconque. Mon père a fait fortune, comme tant d'autres, ma mère est heureuse, ma tante méprise toujours les pauvres gens, et moi, je suis content de vivre. Je trouve pourtant qu'il est extraordinaire que les propos insignifiants d'un gosse aient abouti à ce confortable dénouement. Mais attendons la fin, conclut l'interlocuteur de Jean Fosse, qui est un pessimiste impénitent. C'était La Revêche Arabelle, par J.H. Rosny-Aîné.